France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, plongée dans un événement méconnu de la décolonisation, la crise de Bizerte. En février 1961, le général de Gaulle reçoit son homologue tunisien, Habib Bourguiba. Les deux pays sont alliés, certes, mais un sérieux contentieux les oppose, et ce, depuis l'indépendance de ce petit pays du Maghreb en 56, la base militaire de Bizerte. Il se trouve que, malgré les demandes répétées du pouvoir tunisien, la France refuse d'abandonner ce morceau de terre près de la côte, car l'endroit est situé sur une position stratégique. Il donne sur la Méditerranée, mais surtout, il est à quelques encablures d'une guerre que mène la France depuis 7 ans en Algérie. Très vite, les tensions montent entre les deux pays jusqu'au point de non-retour. Alors, pourquoi la France est-elle ainsi entêtée? Quel rôle a joué le conflit en Algérie? Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Alcaraz, historien, spécialiste du Maghreb et auteur du livre intitulé « Les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne » paru chez Cartala en 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Guillaume Malandras, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bissio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 27 février 1961. Au-dessus d'Orly, un briguet atlantique de la République française en provenance de Zurich transperce le plafond de nuages et se positionne dans l'axe de la piste. À son bord, le président de la toute jeune République de Tunisie, Habib Bourguiba. L'homme est attendu à Rambouillet, où il doit s'entretenir avec son homologue français, Charles de Gaulle. Ancien avocat formé à Paris, Bourguiba fait partie des hommes forts du Maghreb. Premier président de la Tunisie, il est l'un des artisans majeurs de son indépendance, négocié avec la France 5 ans plus tôt, en 1956. Depuis, et malgré ce passé douloureux, il mène une politique d'entente, plutôt progressiste et ouverte sur l'Occident. Dans l'avion qui amorce sa descente, Bourguiba laisse planer son regard sur les champs du sud de l'île de France. C'est sa première visite officielle ici, sur les terres de l'ancien colon, et forcément, elle est loin d'être anodine. Il faut dire que de surcroît, en ce début 61, l'ancien empire français vit des derniers mois d'agonie. Un sujet en particulier occupe tous les esprits, l'Algérie, et ce qu'on appelle encore pudiquement les événements. Depuis 1954, ce mouvement pour l'indépendance est beaucoup plus brutal que celui qui a touché la Tunisie. 7 ans déjà que les insurgés du Front de Libération Nationale, le fameux FLN, multiplient les actions. 7 ans que le commandement français fait tout pour mater la rébellion. 7 ans de cris, de violence et de mort. Bourguiba le sait. Même si la rencontre à venir concerne la Tunisie et la France, c'est bien l'Algérie qui sera au centre des discussions. À 10h, l'appareil se pose et la fanfare militaire retentit. Le président tunisien descend l'escalier mobile avant d'être accueilli par le premier ministre français, Michel Debray. Dans l'air froid du matin, un journaliste d'Interactualité, Claude Joubert, commente la scène en direct. Monsieur Bourguiba, Monsieur Michel Debray et Monsieur Jacquinot passent lentement devant les troupes qui rendent les honneurs, tandis que quelques applaudissements sont lancés de l'endroit où se trouvent les Tunisiens et que vous entendez peut-être actuellement crier. Le cortège se dirige maintenant vers le salon d'honneur et c'est de là que M. Bourguiba, par la route, gagnera immédiatement Rambouillet. Au même moment, en effet, une colonne de déesses noires flanquée du macaron tricolore s'avance dans la cour de l'Élysée, direction Rambouillet. À l'arrière de l'une d'elles, le général de Gaulle potasse les dossiers en cours. Voilà 3 ans que l'homme de Londres a été rappelé aux responsabilités pour résoudre cette crise algérienne et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est encore loin du but. En réalité, ses positions sont flottantes. Entouré à la fois de personnalités pro-Algérie française et d'autres acquises à l'indépendance, de Gaulle oscille entre la conviction d'une séparation inéluctable et la volonté de préserver les intérêts de la France. rassurer la population européenne d'un côté, affirmer son respect aux aspirations indépendantistes de l'autre, c'est un numéro de funambule. Malgré cette indécision, son obsession est intacte. Sortir la France de ce qui ressemble de plus en plus à un bourbier politique, économique et humain. Peut-être à ce moment-là, se rappelle d'ailleurs de son retour en mai 58 et de ce déplacement à Alger qui avait suivi ce jour-là, il prononçait une phrase aussi célèbre qu'ambiguë. Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je vous ai compris. Oui, mais pas nous. Qui est donc ce « vous » ? Depuis ce discours, peu de choses ont changé, en fait. Officiellement, le général continue son numéro d'équilibriste. Mais en coulisses, c'est un peu différent. Après 3 ans de crise, il semble de plus en plus disposé à laisser l'Algérie aux Algériens. Habib Bourguiba, lui, l'a compris depuis longtemps. Alors, quand il débarque à Orly, il n'a qu'une idée en tête, réussir à se placer comme un acteur majeur du processus de décolonisation de son voisin et, pourquoi pas, faire profiter de la situation à son pays. Sauf qu'en ces temps de panarabisme, ses positions pro-occidentales lui ont attiré des foudres de ses camarades d'Afrique du Nord. De Nasser, le président égyptien, jusqu'au responsable du FLN, aucun dirigeant arabe ne lui fait confiance. Son calcul est donc simple, mieux vaut négocier avec la France maintenant qu'avec une Algérie indépendante plus tard. Ainsi, Bourguiba arrive avec plusieurs revendications. Tout d'abord, il souhaite redessiner les frontières du Sahara à son avantage. En grignotant un peu plus au sud et à l'ouest sur le désert algérien, le pays pourrait se trouver à la tête d'importants gisements pétroliers. Mais le président tunisien a une autre demande. Un problème encore plus urgent à régler, la présence de l'armée française sur son sol au sein d'une base militaire dans la petite ville de Bizerte. Malgré l'indépendance, en effet, la France continue de s'accrocher à ce bout de terre de la côte tunisienne sur la pointe nord-est du pays. À quelques kilomètres du centre de Bizerte, la base est une véritable ville dans la ville. En tout, 8000 soldats y vivent et s'y entraînent. Avec son aéroport, son débarcadère, ses hangars et ses casernes, elle est occupée par les 3 corps principaux de l'armée, la marine, l'aviation et l'infanterie. Pour la Tunisie nouvelle, il s'agit de faire appliquer un principe légitime de souveraineté nationale. Pour la France, l'enjeu est stratégique. Avec sa position privilégiée, le site de Bizerte est un point crucial pour la défense nationale. Donc, le tenir, c'est la garantie de contrôler une bonne partie de la Méditerranée, comme le rappelle le chef de la base, l'amiral Maurice Samman, pour 5 colonnes à la une. Eh bien, si nous regardons une carte, nous voyons d'abord quoi ? Que Bizerte se trouve au point de vue du site, au point le plus nord de l'Afrique, au centre de la Méditerranée. Le point le plus nord de l'Afrique, ça veut dire que tout le trafic qui va de l'est à l'ouest passe à la vue de Bizerte. Que d'autre part, centre de la Méditerranée, à notre époque de radar, vous voyez bien ce que ça veut dire. Il faut quoi ? Des plaines sur lesquelles vous pouvez installer des terrains d'aviation, dans lesquelles vous pouvez creuser des bassins, terrains d'aviation à proximité de la mer. Enfin, des massifs montagneux, également assez rapprochés, toujours dans le même périmètre, dans lesquels vous pouvez creuser des souterrains. Il y a là un énorme ensemble qui est extrêmement important et intéressant, à mon avis, à notre époque. Dans son exposé, l'amiral Amand oublie un point important. Bizerte se situe à 150 km à peine de la frontière algérienne. C'est donc une base arrière idéale, à la fois proche du théâtre d'opération et protégée d'éventuelles attaques terrestres. Alors, quel drapeau va flotter sur la petite ville portuaire ? Ce n'est pas la première fois que ce dossier épineux est discuté. À vrai dire, il revient régulièrement depuis 1958 et le début de l'intervention française en Algérie. De Tunis à Sousse, en passant par Monastir, les Tunisiens, Bourguiba en tête, en ont assez de cette présence française qui n'en finit pas. Entre l'ancienne puissance coloniale qui ne veut rien lâcher et la nouvelle république qui veut tout, le face-à-face est lancé. À 10h50, ce 27 février 1961, le président tunisien pénètre dans l'enceinte du château de Rambouillet où l'attend De Gaulle. Un journaliste d'interactualité, Jacques Carion, commente la scène en direct. La voiture du président Bourguiba fait son entrée dans la cour d'honneur du château de Rambouillet, tandis qu'un détachement de la garde républicaine salue l'arrivée du leader tunisien. Sur le perron apparaît maintenant le général De Gaulle qui vient saluer son hôte. Un détachement de la garde républicaine rend également les honneurs. Il s'agit des cavaliers à pied cette fois. Le président Bourguiba est sorti de voiture et il vient de pénétrer en compagnie du président de la République dans le château de Rambouillet. À 11h, les deux chefs d'État s'installent dans la salle des marbres. Bourguiba prend la parole et annonce ses revendications. Très vite, De Gaulle évacue les ambitions territoriales d'un revers de la main. Impossible en pleine guerre de redessiner la carte du Sahara. Circuler. Vient ensuite le plat principal, Bizerte. Le regard droit. Bourguiba développe un argument simple. La France doit respecter l'intégrité territoriale de la Tunisie. Face à lui, le général De Gaulle prend sa mine des mauvais jours. Même s'il sait que l'armée ne pourra pas rester éternellement dans son ancien protectorat, il reste lucide. Avec l'enlisement d'Algérie, un abandon de Bizerte fragiliserait encore un peu plus la position de la France. Alors, poliment, il explique à son homologue que pour le moment, l'affaire est impossible. Dans l'avion qui le ramène à Tunis, Bourguiba laisse exploser sa colère. Rien de ce qu'il désirait n'a été obtenu. Alors oui, Bizerte sera évacué, De Gaulle l'a répété, mais au rythme voulu par la France. Autrement dit, c'est pas demain la veille. Car le rythme de la France est guidé par un seul et unique facteur, cette maudite guerre en Algérie. En ce printemps 61, ces événements qu'on ne veut pas appeler guerre ressemblent de plus en plus à une déroute pour le pouvoir français. À Bizerte, la quasi-totalité des 8000 soldats présents sont engagés dans le conflit. De nombreuses missions de reconnaissance partent de cette base. Néanmoins, les installations commencent à montrer leurs limites, en particulier la piste d'atterrissage de la base aérienne de Sidi Ahmed, trop courte. Elle ne permet pas d'accueillir les appareils les plus importants de la flotte française. Ainsi, le 15 avril, l'amiral Amanche, chef de la base, donc, lance des grands travaux d'agrandissement. À Tunis, c'est l'incompréhension. Non seulement aucun accord préalable n'a été signé pour le chantier, mais en plus, le projet fait déborder la piste d'1,50 m sur le territoire tunisien. Le président Bourguiba est exaspéré. À peine un mois et demi après sa demande de Rambouillet, voilà que les Français modernisent leurs infrastructures chez lui, sur ses terres. On se croirait revenu 30 ans en arrière, avec un Bourguiba dans le rôle symbolique du gouverneur d'une province conquise. Bref, l'humiliation est totale. En réalité, ce mépris de la France cache un mal profond, l'obsession des élites pour une guerre qui est en train de pourrir le pays. Car à Alger, la situation empire de jour en jour, et l'opinion française est plus fracturée que jamais, entre partisans du maintien et avocats de l'indépendance, le torchon brûle. Dans tout le pays, les familles se déchirent et les amitiés sont mises à l'épreuve. La ligne d'équilibre tenue par le général De Gaulle depuis 1958 est en train de voler en éclats. Ainsi, le 21 avril 61, deux mois seulement après la rencontre de Rambouillet, quatre généraux, partisans zélés de l'Algérie française, entrent en rébellion contre De Gaulle. Avec l'appui du 1er régiment de parachutistes, ils prennent le pouvoir par la force dans la capitale algérienne. Cette crise des généraux, comme on l'appelle, est cela dit de courte durée. 6 jours plus tard, en effet, le 27 avril, l'affaire est réglée. Le principal instigateur, le général Charles, est arrêté puis placé en détention. Comme le rappelle ce commentaire triomphant des actualités françaises. Et soudain, en quelques heures, tout s'effondrait à Alger. La majorité des unités stationnées, la marine, l'aviation, refusaient leur concours au complot. À l'aube du mercredi 27, tout était rentré dans l'ordre. Les gendarmes mobiles réoccupaient la délégation générale, abandonnée par les quatre ex-généraux. Partout, les troupes fidèles avaient repris le contrôle. Triomphante 4 jours, la conspiration se diluait d'un seul coup devant le refus à la fois de l'armée et de la nation. Dernier acte. À la porte de la prison de la Santé, un petit groupe en attente. Une voiture qui entre sans ralentir. Le général Charles s'est constitué prisonnier. Ses comparses sont disparus. La parole est maintenant à la justice. Cet épisode représente un nouveau choc pour de nombreux métropolitains. Un peu partout, on réalise non seulement que la guerre échappe au contrôle des militaires, mais que de surcroît, elle déstabilise les institutions. Du bout des lèvres, certains dirigeants prononcent même un mot encore tabou il y a quelques mois, indépendance. De Gaulle doit se rendre à l'évidence, le coût militaire et humain du maintien en Algérie est devenu trop élevé. Alors, le ton grave, il s'adresse à la nation. En même temps, il nous faut régler l'affaire algérienne. Ce qui vient de se passer a contribué à démontrer que la seule voie pratique et digne de la France, c'est celle qui a été choisie par le gouvernement aux populations algériennes de prendre en main leur destin, à elles de décider si l'Algérie sera demain un État souverain au-dedans et au-dehors, à elles aussi de décider si cet État sera associé à la France. Suite à ce discours, le chef de l'État prend une décision radicale, convoquer en France le gouvernement provisoire de la République algérienne et amorcer les négociations. Un mois à peine après la crise des généraux, le 20 mai 61, la conférence s'ouvre entre les deux parties dans la petite ville d'Évian. La situation est inédite. Après 7 ans de guerre, responsables français et rebelles algériens discutent enfin à la même table. Pendant près de 3 semaines, les débats se poursuivent sur les bords du lac Léman. Et pour la première fois, la question des rapatriements et donc de l'évacuation complète de l'Algérie est posée. À Tunis, Bourguiba est informé de la situation. Le président tunisien n'a pas oublié la débâcle de Rambouillet et encore moins les travaux d'arrondissement de Bizerte. Après des semaines à ronger son frein, il tient peut-être son moment. S'il veut mener un coup d'éclat et déloger l'armée française une fois pour toutes, il doit agir maintenant. نريد من الحرب أرض السلام ورد العدا فإما حياة وإما فلا وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا فإما حياة وإما فلا وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا وعن ثغر بن زرت نبغي الجلا فلسنا نعيش ونحيا سدى فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا فمغربنا يا فرنسا غدا ينادي الجلا الجلا الجلا ينادي الجلا الجلا الجلا ينادي الجلا الجلا الجلا Aujourd'hui, la crise de Bizerte. France Inter, affaires sensibles. En juin 1961, de Paris à Alger, les passions s'enflamment autour d'un sujet, la guerre en Algérie. L'opinion est plus divisée que jamais. Faut-il quitter le pays ou bien rester quoi qu'il en coûte ? Pour résoudre le problème, une première rencontre entre dirigeants français et algériens vient d'être organisée dans la petite ville d'Évian. Et, même si aucun accord n'a été trouvé, c'est une victoire pour l'Algérie. Parce que désormais, la France est obligée de reconnaître l'autorité de son gouvernement provisoire. De son côté, le président tunisien Habib Bourguiba veut profiter de cette situation et faire pression sur la France pour qu'enfin elle évacue la base de Bizerte. Ça fait quand même 3 ans qu'il le réclame. Or, non seulement l'armée est toujours présente, mais en plus elle rénove la piste d'atterrissage de la base aérienne, et ça c'en est trop. Ainsi, le 13 juin, soit le jour même de la fin des débats, Bourguiba passe à l'action. Il interdit aux ouvriers tunisiens l'accès au chantier. Le 15, c'est au tour des militaires français qui les ont remplacés, bloqués eux aussi. Et au début du mois de juillet, le commandement tunisien a fait creuser de larges tranchées le long de la base, comme le raconte l'amiral Amand, interrogé par un journaliste pour 5 colonnes à la une. Vous avez vu les Tunisiens construire des tranchées, des retranchements tout autour de la base. Exactement, depuis le début du mois de juillet, aux portes devant nos barbelés, devant les limites de notre terrain, on voyait les tranchées se construire, on voyait des canons se mettre en batterie, on voyait des mouvements de troupes tous les soirs, ça devenait vraiment très, très angoissant. Pour calmer la polémique, l'amiral ordonne la suspension des travaux. Insuffisant pour Bourguiba et les siens. Au-delà de la piste d'atterrissage, c'est bien la présence française sur son territoire qui est en jeu. Le bras de fer entre Paris et Tunis est engagé, l'affaire prend une tournure nationale. Dans tout le pays, en effet, sous l'impulsion du parti présidentiel, un large mouvement populaire se forme. Le 6 juillet, des milliers de Tunisiens envahissent les rues de la petite ville côtière. Le lendemain et les jours suivants, ça recommence. Reclus dans leur baraque, les soldats français, eux, entendent les slogans anticoloniaux résonner de plus en plus fort. Au micro de 5 colonnes à la une, l'un des organisateurs des manifestations explique les raisons de cette insurrection. Nous ne pouvons pas accepter, et nous n'avons jamais accepté, la présence de l'armée française sur le sol national. D'abord parce que cela constitue une atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de la Tunisie, et surtout parce que nous avons connu certains agissements des troupes françaises dans certains endroits du globe. Et nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas admettre que l'on continue à utiliser notre sol national pour une soi-disant défense de la France, étant donné que la base de Bizerte se trouve à Bizerte, c'est-à-dire ni en France ni en Europe. Nous n'acceptons pas que cette base-là serve à d'autres fins qu'à des fins tunisiennes. D'un autre côté, la présence des troupes françaises gêne la vie économique du pays, parce que l'économie de Bizerte est actuellement orientée vers le militarisme, alors que nous aurions voulu que Bizerte se dirige vers une expansion économique pacifique. Notre combat ne cessera que lorsque nous serons d'accord pour l'évacuation de Bizerte. Après la pression populaire, vient la pression politique. Le 7 juillet, Bourguiba fait remettre un courrier officiel à De Gaulle. Dans ses plaidoyers anticolonialistes, il explique avec fermeté les enjeux politiques du conflit. Les bases militaires dans des pays étrangers prolongent une ère dépassée, écrit-il. Et partout, les grandes puissances y renoncent. Le ton est ferme. La rencontre cordiale et improductive de Rambouillet semble bien loin. D'autant que cette fois, le discours s'accompagne de menaces concrètes. Si Paris refuse, des représailles militaires sont à attendre. Un ultimatum est même fixé le 19 juillet à minuit. 12 jours, la France a 12 jours pour quitter les lieux, pas un de plus. Le coup de bluff est évident. Le président tunisien sait que le rapport de force lui est largement défavorable. Cependant, Bourguiba est conscient que De Gaulle n'a pas intérêt à engager la France dans une nouvelle guerre. L'opinion ne l'accepterait pas. Le président tunisien espère donc éviter le conflit et obliger son homologue français à s'asseoir à nouveau à la table des négociations. Mais c'est mal connaître De Gaulle, qui ne supporte pas le chantage. Inflexible, il ne donne aucune suite au courrier. Pire encore, il prévient son commandement. Désormais, il faut se préparer au pire. 4 jours plus tard, le 11 juillet, le Premier ministre Michel Debré est envoyé sur place. Là, il transmet à l'amiral Amand des consignes on ne peut plus claires, répondre par la force à toute opération de force. Le soir même, dans la chaleur étouffante du sous-sol de la base, l'amiral convoque quelques officiers. Autour d'une carte de la région, ils échangent leurs idées. Hamant insiste sur un point crucial. Une exigence venue directement de l'Élysée, l'armée doit garder un rôle défensif, du moins en apparence. Aux yeux de l'opinion internationale, en effet, la France ne doit surtout pas passer pour l'agresseur. Après des heures de réunion, une stratégie est validée. Dès l'assaut des soldats tunisiens, des renforts destinés à les perturber seront aussitôt parachutés sur place. Dans le même temps, des navires maintiendront un blocus de toute la côte. L'objectif est double, défendre ses positions et surprendre l'adversaire. On a même trouvé un nom pour l'opération Bulldog. Dès le lendemain, le 12 juillet, les belligérants s'organisent. Côté français, des renforts maritimes arrivent de Toulon. Un croiseur, deux escorteurs et même un porte-avions se postent sur la baie. Pour les Tunisiens, des unités d'artillerie et des blindés venus des quatre coins du pays convergent sur la ville. En quelques jours, le spectre de la guerre s'abat sur Bizerte. Enfin arrive le 19, jour de l'ultimatum. Le refus de la France de quitter la base est acté. Le commandant tunisien ordonne à ses troupes de se mettre en position tout autour de la base. Dans la soirée, un étrange silence envahit la ville. Pour les soldats, de chaque côté, c'est l'heure de faire une dernière prière. La guerre est désormais inévitable. De fait, au milieu de la nuit, l'offensive tunisienne démarre. À 1h15 du matin, 400 soldats foncent sur l'arsenal de Sidi Abdallah. Les premiers coups de feu retentissent, l'opération Bulldog peut commencer. Mais un premier problème s'oppose pour le commandement français. Les barrages mis en place par les soldats tunisiens. La base de Bizerte est divisée en plusieurs zones, reliées entre elles par des routes civiles. Il faut donc faire sauter ces barrages, comme l'explique l'amiral Hamant. La base de Bizerte n'est pas unique, il y a plusieurs installations. Il y a un ensemble logistique qui se trouve à Sidi Abdallah, il y a un ensemble aviation, militaire, bateau qui se trouve à la pêcherie à Karouba Sidi Ahmed. Et puis, dans le nord de la base, des installations anti-atomiques très importantes. Bon, tout cela distant de plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Donc il vous faut que les routes soient libres, donc il vous fallait... Au moins une route, au moins une route. Il vous fallait faire sauter les barrages des Tunisiens sur la route. Absolument. Ça, c'est fait. C'est fait, et puis d'autre part, il faut que nos avions puissent partir et arriver, et il faut d'autre part que nous puissions communiquer avec la mer. Bon, il y a donc... Tout ça, c'est fait. Une fois la piste dégagée, les bimoteurs Nord Atlas peuvent décoller. Bientôt, ils envahissent le ciel et des renforts sont parachutés autour de l'arsenal. Le crépitement des armes automatiques transperce la nuit, les premières victimes tombent. Pourtant, au petit matin du 20 juillet, l'amiral Hamant doit se rendre à l'évidence. La résistance tunisienne est plus farouche que prévu. Les milliers de soldats qui encadraient la base la veille au soir sont toujours en place. Et malgré les pertes, ils peuvent compter sur de nombreux civils qui les ont rejoints pendant la nuit. Pendant cette journée du 20 juillet, les combats se déplacent. Au départ, circonscrit à l'arsenal de Sidi Abdallah, une nouvelle poche s'ouvre dans la base aérienne de Sidi Ahmed. Et bientôt, le goulet qui l'entoure n'est plus sous le contrôle des Français, comme le raconte à nouveau l'amiral. Je ne tiens absolument pas à contrôler Bizerte, je tiens simplement à contrôler les rives du goulet. De façon à assurer mes communications. Maintenant, alors je ne sais pas, mais si on nous tire dessus de tous les côtés, je ne sais pas ce qui se passera. Mais si on ne tire pas sur nous, il n'y a pas de problème, c'est uniquement les rives du goulet, c'est tout. Mais dans les heures qui suivent, les tirs tunisiens continuent. Alors Hamant décide de changer de stratégie. Fini la réponse proportionnée, comme on dit chez les militaires. Les grands moyens maintenant sont déployés. La contre-attaque française s'annonce féroce. Dès le 20 juillet, les bombardiers français commencent à pilonner les positions arrières tunisiennes. Et c'est un massacre. Des centaines de soldats de civils meurent sous les bombes et des milliers sont faits prisonniers. Parmi eux se trouvent d'anciens soldats français, comme le sergent-chef Tayeb, rencontré par un journaliste peu après son arrestation. Vous êtes sous-officier, je crois. Je suis sous-officier de l'armée tunisienne. Sergent-chef. Sergent-chef Tayeb. Vous avez servi auparavant dans l'armée française. Je suis servi dans l'artillerie de l'armée française. Vous avez fait des campagnes. J'ai fait des campagnes d'Indochine. Vous avez été blessé, je crois. J'étais blessé dans mes bras. Vous avez été blessé à la main, oui. Ah, oui. Et où étiez-vous pendant les engagements maintenant? Pendant les engagements, j'étais en face de Sidi Ahmed. Quels étaient vos ordres? Mes ordres. S'ils tirent sur moi, ben je me défends, je tire sur les parages, sur les avions, sur n'importe qui tire sur moi, je me défends, quoi. Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu l'ordre d'engager le feu contre l'armée française alors que vous avez été dans l'armée française? Oui. Quelle impression vous avez eu? Comment quel, quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu cet ordre? Quand je reçois un ordre par un chef, ben, je dois l'exécuter. Pourtant, malgré la défaite qui se profile, le commandement tunisien refuse d'abdiquer. Les soldats reçoivent le soutien de Bourguiba. À 9h30, le président tunisien signe un ordre forces armées. Le président de la République, chef suprême des forces armées, écrit-il, vous ordonne de résister avec tous les moyens à l'occupation de la ville de Bizerte par les troupes françaises. Bon courage, que Dieu vous aide. Néanmoins, Bourguiba ne compte pas que sur la volonté divine. Quelques heures plus tard, il saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. Dès le lendemain, 21 juillet, tous les États membres votent pour le retrait des troupes françaises, tous, à l'exception de la France, bien sûr, mais aussi du Royaume-Uni et des États-Unis. La diplomatie s'invite donc, et enfin, dans le conflit. Le jour même, l'ONU fait venir des négociateurs à Bizerte. Le lendemain, 22 juillet, première victoire, les officiels français acceptent de discuter avec leurs homologues tunisiens. Dans la nuit, les pourparlers commencent. Après 3h35 de débat, un compromis est trouvé. Le 23 à 8h, le cessez-le-feu entre en application, la guerre est finie. Après 72 heures de combat, un silence de mort s'installe sur Bizerte. Oui, silence de mort, car dans toute la ville, les corps sont ramassés et les blessés envoyés à l'hôpital. Aujourd'hui encore, le bilan est difficile à estimer précisément. Certains avancent le chiffre de 450 tués côté tunisien, mais d'autres parlent de 6000, ce qui évidemment n'a rien à voir. Mais une chose est certaine, les cadavres sont tellement nombreux qu'un nouveau cimetière est construit, le cimetière des martyrs. Côté français, même si le chiffre semble ridicule, 27 soldats ont tout de même perdu la vie. Un peu plus de 2 mois plus tard, le 2 octobre 61, dans une ville de Bizerte encore meurtrie, l'armée française entame l'évacuation définitive de la base. Pour les Tunisiens, c'est une victoire douce amère. Les centaines de morts, les milliers peut-être, auraient dû être évitées. Dans les rues, les soldats français foulent une dernière fois le sol tunisien. La tête baissée, ils peinent à soutenir le regard des habitants et des fantômes qui hantent la ville. L'année suivante achève de solder les comptes de l'histoire coloniale. Le 5 juillet, presque un an jour pour jour après cette crise absurde, l'Algérie devient indépendante. Et c'est la fin de 130 ans de présence française en Afrique du Nord. Et enfin, à Paris et à Alger, on peut souffler un peu, à Bizerte et à Tunis également. Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. T'as ce semi, t'as ce semi, t'as ce semi. T'as ce semi, ce petit ennemi. Il monte le Affaire sensible aujourd'hui, la crise de Bizerte. Notre invité, Emmanuel Alcaraz, bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste du Maghreb, vous êtes agrégé, docteur en histoire, chargé d'enseignement à l'université Sorbonne et l'auteur de du livre intitulé « Les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne » paru chez Cartala en 2017. Vous êtes également l'un des contributeurs d'un livre collectif intitulé « Celui-là, Tunisie du protectorat à l'indépendance » paru aux éditions Rive-Neuve en 2020. Et alors le chapitre que vous avez écrit porte justement sur les controverses mémorielles autour de la bataille de Bizerte, on y reviendra. D'abord, on peut dire que cet événement se confronte directement à votre histoire familiale. Oui, tout à fait, oui, parce que ma mère était en fait secrétaire à la base de Bizerte. Elle travaillait aux travaux maritimes, mais elle n'était pas présente au moment de la bataille. Contrairement à mon oncle qui, lui, a vécu la bataille, mais qui est resté calfeutré pendant les 4 jours des combats, mais il y a quand même eu une balle qui a traversé la porte d'entrée, et nous ne savons pas si c'est une balle française ou une balle tunisienne. Elle s'est logée dans le mur. Et votre mère et votre oncle vous ont raconté l'histoire plusieurs fois, ça vous a imprégné ? Oui, ça m'a imprégné les histoires de mon oncle qui est un grand invalide de guerre, enfin qui avait fait le débarquement de Provence et qui a vu surtout la souffrance des Tunisiens avec qui ils avaient des relations d'amitié. Alors au départ, cette base de Bizerte est importante pour la France parce qu'elle est proche de l'Algérie, on l'a bien expliqué pendant le récit, c'est ça l'enjeu. Mais aussi parce que nous sommes en pleine guerre froide, et pourquoi cette région-là, du sud de la Méditerranée, est-il si important pour le camp occidental? Parce que c'est un verrou en Méditerranée, c'est un maillon fort de l'Alliance Atlantique en Méditerranée. Et donc ce que craint De Gaulle, c'est une progression aussi des Anglo-Saxons, parce que c'est aussi un enjeu de guerre froide. Et d'autant plus que vous avez le FLN et Nasser entretiennent plutôt des liens avec le bloc de l'Est. Bourguiba est plutôt dans le camp américain depuis 1949, et donc il y a un jeu d'alliance, c'est aussi un enjeu de guerre froide. Il y a l'enjeu du conflit algérien et l'enjeu de la guerre froide. Alors comme on l'a dit, la crise s'ouvre sur une rencontre entre Bourguiba et De Gaulle, et on sait que les relations personnelles entre les chefs d'État peuvent influer sur la suite des événements et sur le sens de l'histoire. Quelles sont les relations entre ces deux chefs d'État? Alors ce sont deux nationalistes intransigeants, mais ils n'ont pas la même culture politique. De Gaulle est un militaire, alors que Bourguiba est plutôt un homme politique, qui a plutôt été influencé par les hommes politiques français de la 3e et la 4e République, c'est un avocat. Et donc, il y a une... De Gaulle n'avait pas une grande amitié pour Bourguiba, il n'aimait pas son jeu théâtral, il le dit dans ses mémoires. Et donc cette journée est un peu restée comme une journée de dupe entre la rencontre de Rambouillet, entre deux machiavéliens qui en fait disent une chose et son contraire et qui essaient en fait de dresser un rideau de fumée pour masquer leurs véritables intentions. On l'a vu largement dans le récit aussi, 1961 c'est le chant du cygne de l'Empire, de l'ancien Empire français. Est-ce que l'opinion publique française s'intéresse à cette base de Bizerte? Est-ce qu'elle comprend le problème? Est-ce qu'elle en comprend les enjeux? Parce que ça paraissait décalé, la Tunisie était indépendante et voilà qu'il y a un conflit qui ressemble à un conflit colonial. Elle le suit notamment par France Observateur, parce que vous avez des journalistes qui sont présents. Jean Daniel, qui était présent, a été blessé lors de la bataille de Bizerte. Vous avez aussi le journaliste Guy Sidbon, qui a été un témoin de cette bataille. Et en plus, ils savent que le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, est à Tunis. Donc ils le suivent, mais il y a quand même une lassitude de ces conflits coloniaux, à l'égard de ces conflits coloniaux. 1961, c'est aussi l'apogée du panarabisme, avec notamment le président Nasser en Égypte, et on l'a dit, la Tunisie de Bourguiba est plutôt tournée vers l'Occident. Est-ce que c'est le cas également de la population tunisienne ? Bon, il y a un parti communiste tunisien, il y a une gauche tunisienne qui a soutenu l'indépendance de la Tunisie. Mais il faut savoir que Bourguiba incarne surtout les régions intérieures, l'alliance entre le Sahel tunisien, la région de Sousse, et les élites de Tunis. Mmh. Et finalement, il a des opposants. Les régions intérieures, en fait, tous ses opposants viennent de la région intérieure, viennent du sud tunisien. Notamment son principal opposant qui s'appelle Salah Ben Youssef, qui est soutenu par Nasser. Et qui et aussi les Algériens préfèrent Salah Ben Youssef à Bourguiba. Donc, les Tunisiens. Oui, les Tunisiens. Mmh. Les Tunisiens le préfèrent son rival. Bien sûr. Ce sont les Algériens, oui. Voilà, qui soutiennent Salah Ben Youssef, et Bourguiba n'a que le soutien en fait d'une partie de la population tunisienne. Ah oui, ce sont bien les Algériens qui le soutiennent. Voilà. D'accord. Que pèse la Tunisie dans l'espace géopolitique musulman et arabe à cette époque-là? Le pays leader, c'est l'Égypte avec Nasser. Mais que pèse la Tunisie? Fraîchement indépendante encore. C'est un petit pays qui occupe encore un faible poids, mais qui a quand même un grand leader, qui est quand même surnommé le combattant suprême. Et donc, elle occupe quand même une place. Elle soutient aussi le FLN, parce que finalement, le problème de la Tunisie, c'est qu'il y a deux armées étrangères sur son territoire, l'armée de libération nationale et l'armée française. Et Bourguiba, en fait, lui veut récupérer une totale souveraineté. Il voudrait qu'il n'y ait que l'armée tunisienne sur son territoire. Est-ce que Bourguiba, le style en moins, voudrait être le De Gaulle tunisien? Je ne parle pas du style, puisque lui, il n'aimait pas ce style-là, théâtral. Eh bien, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a pu comparer Bourguiba à Atatürk, à Mustapha Kemal. En tout cas, je veux dire, pas De Gaulle en l'occurrence, mais ce qu'il incarne, une espèce de contrat entre un homme et un peuple, l'homme qui devient le premier président d'un peuple indépendant. Vous voyez, c'est ce rapport-là. Il incarne l'homme fort, comme ouais. Nasser en Égypte, ou Boumediene, si vous voulez, en Algérie. Donc, mais c'est un style différent, si vous voulez. C'est un civil, alors que De Gaulle est un militaire. On va se retrouver dans 3 minutes, voir un peu moins Emmanuel Alcaraz. On écoute Arnaud, honnête. Tu veux changer qui? Tu veux changer moi? Ou tu veux changer toi? Bazar avec une bonne histoire, change-toi et après moi. Oui, moi je suis honnête, tu joues bien la trompette. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette. De tout ce bazar, quand tu fais du cinéma, quand y a pas de bon savon dans ma salle de bain. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette. Tu joues bien, oh mais tu joues bien, tu joues bien. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Emmanuel Alcaraz, avant de revenir sur l'épisode Bizerte proprement dit, quelle nature de régime met en place Bourguiba ? Démocratie autoritaire, démocratie, pouvoir simplement autoritaire, c'est quoi ? C'est un régime autoritaire avec un pluralisme limité. Seulement, il veut contrôler l'État, son parti politique, mais pour faire des réformes. Notamment, des réformes parce qu'il souhaite moderniser son pays. Notamment, il est l'auteur, et c'est lui qui a une grande œuvre pour émanciper les femmes, avec l'adoption du code de statut personnel en 1956, et c'est lui qui a interdit finalement la polygamie. Sans pour autant être totalement un laïc, parce que d'un autre côté, il restaure l'instruction religieuse dans l'éducation nationale. Il voulait mener un djihad, mais pour le développement de son pays. Tiens donc. Alors, on revient sur l'affaire de Bizerte. Est-ce que Bourguiba pensait vraiment que la France n'allait pas intervenir militairement ? C'est un coup de bluff, quoi. Bah, il pensait que c'était un coup de bluff parce qu'il pensait que la France était isolée sur un plan international et que c'est un grand machiavélien et que c'était le moment opportun. Et il a sous-estimé finalement l'intransigeance de Gaulle qui est un militaire qui est aussi soucieux de lui de la souveraineté nationale et de l'honneur de la France. Et alors, comment votre oncle et votre père vous parlaient-ils des événements concrètement ? Je veux dire, à quoi ont ressemblé les combats de juillet 61 ? Bah, ce sont des combats qui sont très très durs, mais il y a quelque chose aussi qui a un acteur qui est très important, c'est que en fait Bourguiba avait fait venir en fait des civils, c'est-à-dire que dans le documentaire on a l'impression que ce sont les soldats qui sont devant, mais ce sont surtout les il a fait venir la jeunesse du parti néo-destour qui se sont massés devant les portes de l'arsenal avec l'armée tunisienne qui poussait derrière. Et moi j'ai fait un entretien avec le colonel Dutailly, qui est un militaire bon qui a vécu les événements et il m'a dit en fait le problème c'est qu'à un moment donné, ils allaient forcer les portes de la grille. Et si les civils franchissent la grille avec l'armée derrière, bah c'est fini, ils perdent le contrôle totalement. C'est là où les choses ont véritablement dégénéré. On va revenir un instant sur un épisode qui date de 1958, le bombardement par l'armée française du village tunisien de Saqqet Sidi Youssef, qui est alors une base aérienne du FLN, c'est pour ça qu'elle est bombardée. Que s'est-il passé et quel était le rôle de cet événement par rapport à la crise de Bizerte ? Alors, c'est quelques années avant. Alors, c'est antérieur, c'est le Guernica tunisien, si vous voulez. C'est un village tunisien qui a été bombardé par l'armée française parce qu'il y avait de l'ALN qui était présent. Donc, il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués. ALN, l'armée de libération nationale. Voilà, l'armée algérienne. Mm-hmm. Et en fait, il y avait la guerre sur la frontière entre l'Algérie et la Tunisie avec des incursions des deux côtés. Et donc, cet événement, bah, ça a joué un rôle, ça a beaucoup nuit à l'image de la France et ça a contribué à l'internationalisation de la question algérienne. Donc les deux sont là, c'est quelque chose qui a nuit, ça entraîne un isolement diplomatique, une intervention des anglo-saxons qui proposent leurs bons offices et c'est quelque chose sur l'ONU, c'était pas très bon. Quoi, voilà. Et surtout l'aura du FLN à travers le monde, auprès de tous les mouvements d'émancipation, anticolonialistes, ça c'était gênant. On l'a bien expliqué d'ailleurs dans Affaires Sensibles à travers plusieurs numéros qui ont été consacrés à cet aspect des choses. Alors le bilan officiel fait état de 630 morts pour Bizerte. Pourtant, on l'a vu, les estimations varient énormément. D'autres parlent de plusieurs milliers. C'est toujours exaspérant. C'est comme les manifestations. On donne des chiffres différents. Où peut se trouver la vérité ? Oh bon, il y a une historienne donne exactement 632 morts, qui s'appelle Nicole Grimaud. 330 civils. Beaucoup de civils ont été tués. 27 soldats français. Mais en fait, on est dans ces eaux-là. Enfin, ouais, faut retenir ça, quoi. 600 et quelques. Oui, au monument aux martyrs du cimetière de Bizerte, il y a 704 tombes. Mais il y a aussi des Tunisiens qui sont enterrés ailleurs. Donc on est quand même dans ces eaux-là, mais on n'est pas sur du 2000 morts, on n'est pas sur des milliers de victimes, on est sur... D'accord. Voilà. D'accord. Il faut faire attention, bien sûr, à la propagande de chacun des camps qui donne des chiffres. Oui, 630. Qui les arrange, évidemment. Alors aujourd'hui à Bizerte, puisque justement vous avez collaboré au livre Tunisie du protectorat, l'indépendance et surtout les lieux de mémoire, votre livre, c'est les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne, les controverses mémorielles autour de cette bataille, quelles sont-elles ? Alors ça c'était mon premier livre, deuxième livre traite de l'histoire de l'Algérie et de ses mémoires, des origines au Irak en 2021. Je parle aussi d'ailleurs des interrelations entre l'affaire tunisienne et l'affaire algérienne. Alors quelle trace ça a laissé ? On va poser la question comme ça. Eh bien, à Bizerte, en tout cas, ça a laissé, c'est une mémoire traumatique. Parce que, en fait, bah, ça a suscité une opposition très forte contre Bourguiba, parce qu'il y a eu il est victime d'un coup d'État en décembre 62. Et vous avez beaucoup de Bizertins qui ont participé à la bataille de Bizerte, qui participent à cette tentative de coup d'État. Et ils vont d'ailleurs certains vont être exécutés, parce que Bourguiba est quand même à la main lourde. Faut savoir que ses opposants, au total, il y a beaucoup plus de gens qui sont condamnés à mort et exécutés que sous le général Ben Ali. Voilà. Donc c'est dire. Il réprime. Il a la main beaucoup plus lourde. Et donc ces gens ont été réprimés. Et puis moi, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mohamed Salaflis, qui est un monsieur en fait dont le frère a été tué lors de la bataille de Bizerte. Et ce monsieur, après, suite à ce traumatisme, vous savez, c'est comme le frère de Lénine qui a été tué et pendu par la police du tsar. Il est devenu un opposant de Bourguiba. Et il a fait partie de l'extrême gauche tunisienne avec un groupe qui s'appelait Perspective. Et ils ont tous, bon, c'était des jeunes. C'était le mouvement de mai 68 tunisien. Bon, ils ont tous été arrêtés. Et puis Bourguiba les a envoyés dans le bagne de Bordj Erroumi, qui se trouve à Bizerte, qui se trouve à côté de la forêt de Nador. Et donc, ils ont tous été torturés avec des violations des droits de l'homme. Et ce monsieur, d'ailleurs, après, bon, a été libéré. Il est devenu, d'ailleurs, le premier maire, après la révolution de 2011, il est devenu le maire de transition de Bizerte. Et il a écrit plusieurs ouvrages où il raconte cela sur Bourguiba. Et donc Bourguiba, si vous voulez, on l'adore en France parce qu'on a cette image un peu du laïc, du moderniste. Ouais. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. Alors, en une minute, parce qu'il nous reste une minute, quel est votre regard sur le printemps arabe en Tunisie ? Et ses développements, sa suite et la situation d'aujourd'hui, quoi. Alors moi, j'ai vécu dans la Tunisie de Béji Caïd Essebsi, qui était en fait un néo-destourien. Mais aujourd'hui, vous avez Kais Saied, qui est un nationaliste arabe. Et quelque part, c'est un peu la revanche de l'opposant de Bourguiba, Salah Ben Youssef, qui est mort assassiné peu après la bataille de Bizerte, parce que Bourguiba en a profité pour liquider, bien sûr, son opposant soutenu par Nasser en le faisant assassiner en 1961. Donc le président Kais Saied incarne un peu le nationalisme arabe, mais pour autant, on a une très bonne relation avec lui. Il ne demande pas à la France, en tout cas, des excuses, mais il demande qu'elle intervienne pour le développement de la Tunisie et qu'elle l'aide économiquement et à la soutenir. C'est ce type de dédommagement que le président Saied demande aux Français. Merci infiniment, Emmanuel Alcaraz. Ce sera le dernier mot. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la crise de Bizerte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.